Pour terminer, nous allons entendre un chœur que l'on peut qualifier de professionnel, puisqu'il s'agit de la chanson du Rhône que dirige Jean Detwiller et qu'accompagne l'ensemble instrumental La Girondine. La chanson du Rhône interprète un chant en patois, Mama veille des veaux, de Jean Detwiller et Aloïs Teta. Lâche-les partir, retourner en pro. Lâche-les partir, retourner en pro. Car pour te marier, ton corps redoutait. Car pour te marier, ton corps redoutait. Dès qu'on est marié, fini de danser. Dès qu'on est marié, fini de danser. Au bout de 10 ans, on a 10 enfants. Au bout de 10 ans, on a 10 enfants. Ah ouais, 10 enfants, à tous les plaisirs. Ah ouais, 10 enfants, à tous les plaisirs.